Béni soit le nom de l'Éternel, notre Dieu, qui nous a sauvés, qui nous a délivrés de la vaine manière de vivre que nous avions héritée de nos ancêtres. Vous voyez déjà le titre sur votre petit écran, l'ambassade de tous les dangers. L'ambassade de tous les, dangers. Ce qui s'est passé à Jérusalem hier, la célébration des 70 ans sur la création de l'État d'Israël annonce pas la bonne nouvelle pour le monde, mais la bonne nouvelle pour tous les croyants. La bonne nouvelle, c'est que l'enlèvement est tout à fait très très proche. L'ambassade de tous les dangers parce que le monde va connaître des problèmes très graves. Avant que la nation d'Israël entre dans la terre promise, Dieu lui avait donné des instructions bien précises quant à la façon dont elle devrait traiter les habitants du pays, les Cananéens et aussi les autres habitants qui devaient être donc entièrement détruits. Mais est-ce que Dieu poursuit toujours le même but? Pourquoi lors de l'inauguration de cette ambassade hier, il y a eu autant de morts? Près de 60 personnes ont été tuées. Pourquoi Israël et les Palestiniens tiennent tant à cette petite ville qui s'appelle Jérusalem? Elle a été baptisée la ville trois fois saint. Est-ce que cette ville est réellement sainte comme on le dit, comme les journalistes le disent, le commun des mortels, c'est-à-dire le monde entier, prétend que cette ville est trois fois saint. Je ne pense pas que cette sainteté vient de Dieu. Car Dieu, auparavant, parla aux prédicateurs comme Moïse, aux prophètes comme Ésaïe, aux autres hommes de Dieu, comme le dit la lettre de Paul aux Hébreux, chapitre 1er, à partir du premier verset, que Dieu, dans l'ancien temps, a parlé par les prophètes, et aujourd'hui, il nous parle par son Fils, donc Jésus de Nazareth. Nous allons vérifier ces écrits au travers de la Bible, que moi je considère comme la parole de Dieu. Nous allons lire par la bouche de maman, Hébreux, chapitre 1er, à partir du premier verset, je crois le deuxième, le troisième aussi. Et nous allons vérifier ce qui a été dit auparavant par Dieu, puisqu'il a dit à Israël de détruire, s'il continue également à demander à Israël de détruire comme ce qui s'est passé hier, au nom de quoi le combat pour gagner Jérusalem. Est-ce que Dieu a toujours la même vision sur le monde? Est-ce que Dieu a toujours la même vision sur Israël? Nous allons faire des analyses très très plausibles tout à l'heure. Nous lisons Hébreux chapitre 1er à partir du premier verset. Il est écrit, après avoir autrefois, à plusieurs reprises... Notez cette petite phrase, autrefois. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises... Et de plusieurs manières... Parler à nos pères par les prophètes... Dieu, dans ces derniers temps... Nous a parlé par le Fils... Qu'il a établi héritier de toutes choses... Par lequel il a aussi créé le monde... Et qui, étant le reflet de sa gloire... L'empreinte de sa personne... Jésus soutient toutes choses par sa parole puissante... A fait la purification des péchés... Et s'est assis à la droite de la majesté divine... Dans les lieux très hauts... Ainsi donc, selon l'analyse qui a été faite hier et celle qui sera faite aujourd'hui, Dieu avait donné des consignes. Selon Deutéronome chapitre 20, verset 16, jusqu'au verset 17, nous allons lire, il disait auparavant à cet Israël de détruire toutes les nations qui n'obéissent pas à sa parole et qui adorent des idoles. Alors, nous lisons Deutéronome, chapitre 20, à partir du verset 16 jusqu'au verset 17. Il est écrit. Mais dans les villes de ces peuples dont l'Éternel, ton Dieu, te donne le pays pour héritage, tu ne laisseras la vie à rien de ce qui respire. Tu ne laisseras la vie à rien de ce qui respire. Car tu dévoreras ces peuples par interdit. Les Essiens. Les Amoréens. Les Cananéens. Les Phéréziens. Les Éviens. Et les Jébusiens. Comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné. Est-ce que le même ordre continue à exister jusqu'à présent? Nous allons découvrir tout cela dans la parole de Dieu. Alors, la même consigne leur avait été donnée aussi après leur traversée du Jourdain. Ce mandat divin est donc stipulé à plusieurs reprises dans le livre de Josué. Israël doit détruire les villes et les habitants de Canaan, car c'est ce que l'Éternel a ordonné. Nous allons lire Josué chapitre 6 à partir du verset 2. Le verset 2, c'est écrit dans un chapitre, dans un verset, c'est le verset 2, mais le chapitre, c'est le chapitre 6 et le verset 2 que nous lisons pour vérifier. Il est écrit. Josué 6, 2. Oui. L'Éternel dit à Josué. Vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi. Ces vaillants soldats. Mais pourquoi Dieu le dit? Parce que ce peuple adorait des idoles. C'est un peuple qui était fondé dans les traditions, dans les coutumes démoniaques. Il n'adorait pas le Dieu d'Israël. Si j'ai dit Dieu d'Israël, le Dieu créateur des cieux, la terre, les océans et tout ce qu'il trouve. Tout homme qui adore ce Dieu sans passer par une idole est approuvé, comme le dit aussi l'apôtre Pierre lorsqu'il se retrouve face à l'homme qu'on appelle Corneille. Cet homme donc est agréable à Dieu. Il est agréable à Dieu parce qu'il adore un Dieu qui a créé le ciel et la terre, mais cet homme n'est pas sauvé. Alors, la destruction de Jéricho est un compte rendu du juste jugement de Dieu sur un peuple désespérément mauvais et dont le péché était à son comble. Comme ce qui s'est passé aussi dans d'autres nations, quand nous lisons Genèse chapitre 15, verset 16, quand Dieu détruit un peuple, Dieu détruit une nation, il dit parce que le péché est à son comble. Genèse chapitre 15, verset 16. Nous allons aussi vérifier Deutéronome chapitre 9, verset 4 à 5. Mais nous commençons par Genèse chapitre 15, à partir du verset 16. Genèse 15, 16, il est écrit. Il est écrit. À la quatrième génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. L'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Lorsque l'iniquité arrive à ce niveau, Dieu est obligé de détruire ce peuple. Mais Dieu n'utilise plus la même politique comme auparavant. Dans l'Ancienne Alliance, il a utilisé cette politique, mais dans la Nouvelle Alliance, ce n'est plus la même chose. Et c'est pourquoi il envoie le Sauveur. Et pourquoi il envoie le Sauveur? Selon le livre de Romains, le chapitre 2, à partir du chapitre 2, que nous allons lire d'une manière explicite, cela est très important, du verset 5 à 9. Nous allons demander également à un moment de lire Romains chapitre 2, à partir du verset 5 jusqu'au verset 9. Il est écrit Romains 2, 5. Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent. Non, c'est Hébreux, s'il te plaît. C'est Hébreux chapitre 2. Hébreux chapitre 2. C'est le même verset. Oui, verset, donc le verset 5 à 9. Hébreux, chapitre 2, verset 5 à 9. Or, en effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Ou le fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui. Tu l'as abaissé pour un peu de temps. Il s'agit de l'être humain que Dieu a créé. Et cet être humain, Dieu est descendu dans le monde. Il a pris aussi la même forme. Mais lui n'étant pas sous le péché. Comme le dit effectivement le livre de Romains chapitre 3, que nous allons lire verset 9 avant, c'est important. Parce que Dieu, pourquoi il va descendre dans le monde, donc, pour sauver l'humanité de sa condition de pécheresse? Parce que nous allons trouver la réponse par rapport à cette lecture qui sera faite. Romains chapitre 3, verset 9. Il est écrit, oui. Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? C'est Paul qui parle. Nullement. Il s'adresse à Israël. Parce que Paul était aussi israélite. Il était juif. Il demande, est-ce que Israël, nous les Israélites, nous sommes plus excellents que les autres? Il dit nullement. Oui. Car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, c'est-à-dire juifs et les païens. Grecs ici, ce sont des païens, et le juif, c'est Israël actuel que nous voyons. Les juifs et les païens du monde entier, oui, sont sous l'empire du péché. Il s'agit de quel péché? Du péché originel. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste. Même le bébé qui vient de naître n'est pas considéré comme juste. Il n'y a point de juste, même pas un seul. Oui. Car tous ont péché. Car tous ont péché et ils sont privés de la gloire de Dieu. Tous. Toute l'humanité est privée de la gloire de Dieu, est privée d'une relation avec Dieu, est privée de la protection, est privée de la bénédiction de Dieu à cause du péché originel, y compris Israël. Israël n'obéit qu'à l'alliance avec Abraham, et après la résurrection de Jésus, Israël qui a rejeté son Messie a qu'une seule alliance après l'enlèvement. C'est ceux-là qui seront sauvés lorsque le Messie, le même roi, le même Messie, le même sauveur qu'ils ont rejeté reviendra pour les libérer lors de la guerre d'Almageddon. C'est là, c'est cette prophétie qui reste seulement, tout simplement, entre guillemets, pour Israël. Mais Israël actuel n'est pas différent des païens. C'est pourquoi Paul revient là-dessus. Il dit ceci, car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Donc Dieu, aujourd'hui, n'a plus rien à voir avec les alliances qu'il avait avec Israël. Je ne parle pas de l'alliance avec Abraham. Ce qu'il disait auparavant, de détruire les peuples. Donc si Israël continue à détruire, par exemple, les peuples, surtout le peuple palestinien, qui mérite aussi d'être sauvé, qui mérite aussi comme le juif. La Bible dit, tout le monde est sous l'empire du péché. Mais alors, les juifs et les palestiniens, et le monde entier américain, français, camerounais, gabonais, congolais et autres, sont tous sous l'empire du péché. Donc Dieu ne regarde plus Jérusalem comme il regardait Jérusalem auparavant. Après la résurrection de Jésus, les choses ont changé. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? C'est pourquoi, lorsque les apôtres ont réellement admiré les constructions à Jérusalem, Jésus-Christ a dit, tout ceci, il ne restera pas une seule pierre qui ne soit renversée. C'est-à-dire, il y aura une destruction de notre planète, y compris Jérusalem, que les gens sont en train de disputer aujourd'hui. Ça, c'est l'œuvre de Satan qui veut des sacrifices. Il utilise les deux peuples. D'un côté, ce qu'on appelle la sorcellerie familiale. Vous voyez que ce sont les enfants d'un même père. Leur père s'appelle Abraham. D'un côté, ceux qui viennent de celles qui avaient travaillé pour Abraham, que Dieu également a reconnu, puisque Dieu les a bénis. Et le peuple qui est venu, que Dieu appelle le fils de la promesse. Alors les deux peuples sont en train de se tirailler aujourd'hui à cause d'un héritage. Accord d'un héritage. L'héritage ici est terrestre. Les richesses terrestres. Une ville terrestre. Or, Dieu a prévu plutôt un royaume qui n'est pas visible. Le royaume des cieux. Mais ce royaume des cieux, est-ce que c'est Jérusalem actuelle? Non. Dans la lettre de Paul aux Hébreux, au chapitre 13, je crois le verset 16, nous allons lire au verset 16, si maman a déjà trouvé. Chapitre 13, 14, nous lisons dans le verset 14. Il est écrit. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas Hébreux, c'est Hébreux chapitre 13. C'est Hébreux que tu lis. Romain. Non, c'est pas Romain. J'ai parlé d'Hébreux. Hébreux chapitre 13. Verset 15-16, si je ne me trompe pas, surtout. Il est écrit verset 16. Oui. Hébreux 13, 16. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Oui, on continue. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence. On revient un peu plus haut vers le verset 14. Verset 14. Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente. Et c'est le verset que je cherchais. Nous n'avons point ici-bas de cité permanente. Mais nous cherchons celle qui est à venir. Nous cherchons, car nous n'avons point ici-bas de cité permanente. Mais nous cherchons celle qui est à venir. Est-ce que Israël, les Israélites et les Palestiniens cherchent la cité qui est à venir? C'est pourquoi la Bible dit, par lui offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Les Juifs attachaient une importance capitale au sacrifice et aussi à la ville de Jérusalem. Les sacrifices de moutons, de chèvres. C'est pourquoi le temple de Jérusalem doit être reconstruit. Après l'installation de l'ambassade et la reconnaissance, les Américains ont reconnu que Jérusalem est la capitale par excellence pour les Juifs. C'est la capitale politique. Nous sommes déjà à 18 heures. Le monde, l'humanité vient d'atteindre l'heure cruciale où il y aura des problèmes graves dans ce monde. Ce qui va se passer, ce qu'on appelle la grande tribulation, justement après l'enlèvement. J'ai enseigné sur ça hier, je ne reviens plus comment l'enlèvement va intervenir. Alors, je touche un point particulier. Le point particulier ici est essentiellement sur ce qui se passe. Vous voyez le titre, l'ambassade de tous les dangers, la reconnaissance de cette ville Jérusalem comme capitale d'Israël, et il y aura beaucoup de morts. Le diable va récupérer des sacrifices énormes. D'un côté, il a aveuglé les gens qui se présentent en disant « Je dois me sacrifier. Je dois me sacrifier pour mon peuple. » Alors que ceux qui se sacrifient pour leur peuple ont le péché originel dans leur sang. Et ce péché originel t'empêche d'une manière ou d'une autre d'être appelé enfant de Dieu. Et tous sont en train de disputer un petit bout de terre qu'on appelle Jérusalem et qui sera détruit. La terre et le ciel, dit la Bible, passeront. Est-ce que c'est ce Jérusalem qui va rester? La Bible parle de la Jérusalem nouvelle. Jérusalem nouvelle. Que Dieu va refaire des choses. Passer Jérusalem-ci, Mais dans l'ignorance, les gens sont tellement ignorants, les gens sont tellement attachés aux choses de la terre, au luxe, à l'argent. Tous les Hébreux sont attachés à la richesse. Comme je le disais, ces Juifs qui étaient donc attachés, ils donnaient une importance capitale au sacrifice, une importance capitale à la ville de Jérusalem, comme les Palestiniens, comme les Juifs. Pour les Juifs, c'est par eux que Dieu pourvoyait à l'expiation des péchés sous l'ancienne alliance. Les sacrifices qui vont revenir, les sacrifices de moutons, après la reconstruction du temple, ils vont recommencer à faire des sacrifices de moutons. Mais est-ce que Dieu peut être content? Est-ce que ce qui se passe aujourd'hui, tuer les Palestiniens, ça vient de Dieu? Ça ne vient pas de Dieu. Mais beaucoup de croyants pensent que ça vient de Dieu. Alors que, après la reconnaissance, après l'installation, après la reconnaissance de Jérusalem comme la capitale, après l'installation de l'ambassade américaine, d'autres pays aussi vont reconnaître. Sous peu de temps, vous allez voir. D'autres pays aussi vont reconnaître. Jérusalem. J'ai dit, vont reconnaître Jérusalem comme la capitale. Donc le monde entier sera divisé. Et justement après l'enlèvement, le monde entier restera toujours divisé, ce qui va provoquer la guerre d'Armageddon. Si vous ne connaissez pas, si vous ne savez pas lire les temps, bien des Juifs chrétiens, quelques sacrifices sous la Nouvelle Alliance, ils savent que Christ a offert le seul et unique sacrifice pour le péché originel. Mais ils sont habitués à offrir tant de sortes de sacrifices qu'ils pourraient penser que Dieu demande encore quelques offrandes ou sacrifices, même les faux docteurs, même les faux enseignants de la Bible, Paul les a combattus à cause de cette idée. Parce qu'il fallait encore ajouter d'autres sacrifices. Après avoir obtenu le salut en Jésus-Christ, ils ont enseigné qu'il fallait ajouter d'autres sacrifices, les sacrifices de moutons, de chèvres. C'est pourquoi Paul était persécuté. Oui, si Dieu exige des sacrifices, il demande le sacrifice de notre louange et de bonnes œuvres en son nom. Il exige un sacrifice non pas sous la forme d'un rituel ou d'une cérémonie, un animal, mais en parole et en action, en le louant et en le servant avec notre argent, avec nos richesses. Ça aussi c'est des sacrifices. Dieu ne veut plus des sacrifices de farine ou d'animaux. Il veut seulement le sacrifice de louange qui passe par Jésus-Christ, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom, qui confesse le nom de qui? De Dieu. Et Dieu a besoin de tout le monde, que ce soit les Palestiniens, que ce soit les Juifs. Il a besoin des âmes des Palestiniens, il a besoin des âmes des Juifs qui doivent être lavées par le sang de Jésus. Je répète, par le sang de Jésus. À cause de la présence du péché originel. C'est pourquoi la Bible dit, vous êtes sauvés par la grâce, au moyen de la foi, et non par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Le roi David connaissait très bien cette sorte de sacrifice. Si leur écrit pouvait être aussi caractérisé, que ce soit ceux qui ont écrit dans l'Ancien Testament, si leur écrit pouvait être caractérisé par un seul mot, ce serait celui de louange. Je chanterai le nom de l'Éternel, du Très-Haut, selon Psaume chapitre 7, verset 18. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut. Il est mon salut et mon Dieu. Il est mon salut. Obtenir le salut veut dire accepter Jésus comme Jésus-Christ est Dieu. Là, C'est un autre débat, parce que beaucoup refusent d'entendre que Jésus-Christ est Dieu. Ça, c'est un autre débat. Il est Dieu par rapport à sa nature. Il a deux natures, une nature divine et une nature humaine, Jésus. Mais sa nature humaine sans pollution spirituelle, le péché originel, les malédictions originelles n'ont jamais existé parce qu'il a été engendré par la nature divine. Et lorsque tu reçois le Seigneur Jésus, il lave ton sang, il purifie ton sang, son sang qui n'avait jamais eu de péché ni de malédiction, purifie également ton sang et tu regagnes la position de Jésus-Christ. Quelqu'un qui n'a jamais, Dieu te considère comme si tu n'avais jamais péché. Tu n'es pas né avec un péché, ni une condamnation, parce que tu as reçu le salut. Le sacrifice chrétien de l'ange doit être offert sans cesse. On ne doit pas l'offrir seulement quand tout va bien, mais en toutes circonstances. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 18. Rendez grâce en toutes choses. Jean affirme que c'est lui qui n'aime pas son frère, qu'il voit. Comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Les Hébreux actuels, puisque Dieu avait donné, peut-être ils vont prendre la Libye en disant Dieu nous a donné la permission ou bien l'ordre de tuer. Mais c'était dans l'ancienne alliance. Les choses ont changé dans la nouvelle alliance. Dieu suscite un apôtre qu'on appelle Paul. Et il est dit, Actes chapitre 26, à partir du verset 17, lorsque Dieu donne la mission à Paul, qu'est-ce qu'il a dit à Paul? Ce que nous allons lire effectivement, Actes chapitre 17, Actes chapitre 26, à partir du verset 17, vous avez trouvé? Actes 17, Actes 26, à partir du verset 17, qu'est-ce qui est écrit? Vous pouvez lire. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple. Et du milieu des païens. Vers qui je t'envoie. Afin que tu leur ouvres les yeux. Pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Les Juifs et les païens. Pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Et de la puissance de Satan à Dieu. Donc les Juifs et les païens, les Juifs et les Palestiniens, les Juifs et les Camerounais, les Juifs et les Américains, les Juifs, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Donc ça veut dire que toute l'humanité est sous les ténèbres du péché originel. Alors il va falloir que l'humanité soit sauvée. Mais soit sauvée par qui et comment? C'est là la grande question que le théologien ne peut pas trouver la réponse. Il faut une inspiration divine pour que la réponse soit trouvée. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple vers qui je t'envoie. Pourquoi? Avec une mission. Afin que tu leur ouvres les yeux. Il doit ouvrir les yeux avec quelle potion mystique? Avec l'annonce de l'évangile. Et Paul continue. Il explique, nous lisons la suite. Qu'est-ce qu'il dit dans la suite? Pour qu'ils reçoivent par la foi en moi. Par la foi en moi, en qui Jésus? Le pardon des péchés. Le premier péché originel. On est délivré. Ce qu'il appelle le salut. Et le pardon de nos propres péchés. Et les péchés héréditaires. La vaine manière de vivre que nous avions hérité de nos pères, oui. Et l'héritage avec les sanctifiés. En conséquence. Roi Agrippa. Je n'ai point résisté à la vision céleste. À la vision célestes. À ceux de Damas d'abord. C'est une mission divine que Paul reçoit. Ce verset est une déclaration classique de ce que le Seigneur Jésus désire que l'Évangile accomplisse au sein des perdus, au sein d'Israël. Que tu leur ouvres les yeux. Les perdus sont aveuglés par Satan. Ils ne peuvent donc pas réaliser qu'ils courent droit à la perdition. La vérité de l'Évangile leur est cachée. Selon 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 4. Si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Les Juifs ont l'intelligence aveuglée. C'est pourquoi ils restent encore attachés aux choses du monde. Notre ville. Alors, en tuant les Palestiniens, c'est pas la volonté de Dieu. Le diable provoque les tumultes. Le diable provoque les divisions, provoque la guerre, parce qu'il sait que lorsqu'il y a la guerre, les bruits, l'évangile ne sera pas annoncé. Et les gens ne seront pas sauvés. C'est pourquoi les chrétiens de nos jours doivent prier. Avant de prier, on doit prier pour les autorités et aussi annoncer l'évangile. On doit prier pourquoi ? On doit prier pour que ces autorités se convertissent elles-mêmes d'abord. Parce que les autorités sont âprement utilisées par Satan. Satan, d'une manière, qui ordonne à l'armée juive de tirer, ce sont les autorités israélites, de tirer. Qui tourne le dos à Dieu, qui a persécuté même, c'était toujours les autorités à Jérusalem. Les pasteurs qui voyagent, qui vont à Jérusalem matin, midi, soir, pour aller s'agenouiller sur la tombe de Jésus. Est-ce que c'est ça qui va amener l'évangile dans le monde entier? Non. Nous faisons des pèlerinages également comme les autres religions. Est-ce que c'est écrit dans la Bible que lorsque tu vas mettre les pieds dans la tombe de Jésus, c'est là que tu seras sauvé? Non. Mais qu'est-ce qui est dit dans le livre de Romains? Au chapitre 10, à partir du verset 8, jusqu'au verset 14, 15, 16, qu'est-ce qui est écrit? C'est ce que nous allons lire. C'est la mission des chrétiens. La mission des nés de nouveau. Je ne parle pas des chrétiens. Des nés de nouveau. Notre mission aujourd'hui, nous avons une mission tout à fait spéciale. Annoncer l'évangile. Mais lorsque quelqu'un crée une petite assemblée, des 100 personnes, 200 personnes, 500 000 personnes, ils pensent que c'est suffisant. Le monde a 7 milliards d'habitants. Et sur les 7 milliards d'habitants, il n'y a même pas 400 millions seulement de convertis dans toute l'humanité, selon les statistiques que j'ai ici, dans mes documents. Et vous trouvez ça normal. Mais ce sont des divisions, des calomnies qui caractérisent le corps de Christ actuel. Nous lisons le verset que je viens de citer dans le livre de Romains, au chapitre 10, à partir du verset 8. Romains 10, verset 8, il est écrit. Il est écrit. Que dit-elle donc? Que dit-elle donc? La parole est près de toi. Qu'est-ce que la parole Jésus a dit? Dans ta bouche. La parole est près de toi. Et dans ton cœur. Annoncer l'évangile dans ta bouche et dans ton cœur. Tu as reçu Jésus dans ton cœur. Et maintenant, utilise ta bouche pour annoncer l'évangile. Oh, c'est la parole de la foi que nous prêchons. C'est la parole de la foi que nous prêchons. Qui prêche? Est-ce qu'il a dit qu'il faut voyager à Jérusalem? Organiser, on dépense des millions pour aller à Jérusalem. On organise des voyages à Jérusalem, soi-disant terre sainte. Qui vous a dit que le monde entier est pollué? Pollué par le péché originel. Qui vous a dit que cette terre-là est sainte? Les choses ont changé dans la Nouvelle Alliance. Lisez la Bible, pasteur. Lisez la Bible avec révélation. C'est pas ce Jérusalem-là. Ce Jérusalem que vous voyez sera détruit. Comme les autres villes du monde entier seront aussi détruites. Dieu va refaire les choses. Mais il va refaire les choses après l'enlèvement. Est-ce que nous, on ira habiter à Jérusalem? Nous croyons nés de nouveau? La Bible dit que, au son de la trompette, à la voix des archanges, le Seigneur Jésus descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront. On ira à la rencontre du Seigneur. Et les morts en Christ ressusciteront. Et nous, les vivants, on sera changés. On ira à la rencontre du Seigneur. Où ça? Dans les airs et non à Jérusalem, s'il vous plaît. 1 Thessaloniciens chapitre 4, à partir du verset 16. Verset 17. Mais lisez la Bible. N'entrez pas dans la distraction comme les autres, s'il vous plaît. 1 Thessaloniciens 4, à partir du verset 16, il est écrit, Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Jésus descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront. Et les morts en Christ, ceux qui ont entendu l'évangile que tu as annoncé, et les morts en Christ qui sont sauvés, dont le péché originel était détruit, les liens héréditaires, la vraie manière de vivre de nos parents, de nos ancêtres a été détruit. Et on a été pardonné, délivré des malédictions provenant de nos propres péchés. On a été pardonné parce qu'on s'est répandu en identifiant nos péchés. Voilà le mort en Christ qui est rempli du Saint-Esprit. Il a reçu le Saint-Esprit. Et son corps est le temple du Saint-Esprit. Une habitation de Dieu en esprit. Là, Dieu ne parle pas de miracles, de guérisons. Lorsque nous venons devant les gens, ce sont des miracles, la prospérité terrestre. Et c'est pourquoi Israël aussi est resté dans la prospérité terrestre. Un petit lopin de terre, le sang ne fait que couler tous les jours. Mais où sont les chrétiens de nouveau pour annoncer dans l'évangile? Ceux qui partent à Jérusalem, chatèrent par-ci, chatèrent par-là. Jérusalem, chaque année, est remplie de touristes chrétiens. Mais dites la vérité à ces juifs. Vous dites que oui, Dieu a dit, hein, Israël est béni. Mais de quel Israël qui est béni? Israël reste avec la promesse d'Abraham. Vous savez quelle promesse? Cette promesse doit s'accomplir après l'enlèvement. Parce que Jésus-Christ doit d'abord enlever son Église. Et non Israël actuel. C'est moi Israël. C'est toi Israël. C'est ce que Paul veut nous faire entendre, s'il vous plaît. Actuellement, c'est toi Israël. Toi le chrétien, c'est pourquoi il dit que ce soit les juifs, que ce soit les grecs. On a été condamnés sous l'empire du péché. Il faut donc un sauveur qui nous libère tous. On devient donc Israël spirituel. Vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. C'est pas les juifs actuels. Les sacrifices qui tombent, les cadavres qui tombent à Jérusalem tous les jours, où les Palestiniens tirent également sur les Hébreux, les attentats qui tuent les Hébreux, et les Hébreux qui tuent également les Palestiniens, ces sacrifices sont offerts à Satan tous les jours. C'est lui qui organise les guerres tous les jours, les troubles dans toute l'humanité. Parce qu'il veut tuer ces gens avant le temps, avant que la repentance n'arrive, avant qu'ils n'entendent l'évangile, avant qu'ils ne reçoivent Jésus-Christ comme leur sauveur personnel. Et c'est ce même Satan qui ferme vos bouches, qui vous empêche d'annoncer l'évangile, qui vous empêche aussi de faire des sacrifices matériels, financiers, pour pouvoir créer des chaînes de télévision et radio pour annoncer l'évangile dans le monde entier, utiliser les réseaux sociaux pour annoncer l'évangile, qui vont toucher les Hébreux et aussi les Grecs. Dans le monde entier, les Grecs ici, ce sont les païens. C'est pourquoi l'apôtre Paul, quand il revient là-dessus, dans la lettre de Paul aux Hébreux, ce qu'on a lu tout à l'heure, qu'est-ce qu'il dit? Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de nos lèvres, qui confesse son nom. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité. Car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend donc plaisir. Esaïe a donné un avertissement semblable. Quel avertissement? Il a donné cet avertissement à Azaël. Lorsque les Israélites ont demandé à Dieu que nous sert de gêner si... Que nous sert de gêner? Ils ont demandé à Dieu, que nous sert de gêner si tu ne le vois pas? Le Seigneur leur a répondu, voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Envoie libre les opprimés. Qu'est-ce que ça veut dire? C'était une prophétie évangélique. Il devait évangéliser. Envoie libre les opprimés. Oh, ils sont opprimés par Satan. Et lorsque tu annonces l'évangile, lorsque tu annonces l'évangile, tu es en train de renvoyer libre les opprimés. Esaïe, chapitre 58. Je voudrais que ça soit lu. Que ça soit lu. C'est pourquoi avant de lire, nous avions créé ces réseaux, la télévision que vous voyez sur votre écran, la télévision, nous sommes en train de créer, qui doit couvrir l'humanité. Je dis bien qu'il doit couvrir l'humanité. Ce n'est plus un projet, c'est réalisé, où tu dois faire des sacrifices. Où toi, tu dois faire des sacrifices. Tu me vois en train de parler. En train d'expliquer. Ça, c'est la radio. Qui doit diffuser sur le net, en plusieurs langues. En plusieurs langues. Je dis en plusieurs langues, toutes les langues du monde entier. Je ne suis pas ici seulement pour créer l'Église. Mais c'est pour annoncer l'Évangile. Et j'appelle tous les serviteurs de Dieu. Tous les serviteurs de Dieu qui ont la même vision, qui ont été touchés, de se joindre à moi dans cette vision pour pouvoir envoyer des messages dans le monde entier, par le canal de ces réseaux, ces instruments médiatiques que nous sommes en train de créer ici en France, moi et mon épouse. Lorsque Dieu donne l'instruction, on doit obéir. J'ai dit hier que l'Église des quatre murs risque avant l'enlèvement d'avoir des problèmes graves. Déjà au Cameroun, chaque ministre de l'Intérieur qui arrive, de l'administration territoriale qui arrive, il est prêt à fermer les églises. Au Rwanda, ils ont fermé des milliers d'églises. Voici, pour pouvoir réaliser ce que nous sommes en train de montrer, vous allez voir cette voiture, puisque les gens pensent que c'est pour faire la publicité de la voiture. Elle a été vendue, prendre cet argent et mettre dans le projet. Ça, ce sont des sacrifices. C'est ce qu'on appelle la libéralité. C'est ce qu'on appelle le sacrifice actuel, de faire des sacrifices actuellement pour l'œuvre de Dieu. Parce que ça ne me sert à rien de rouler dans une voiture haut de gamme alors que l'Évangile ne touche pas la Russie, l'Évangile ne touche pas des autres pays où l'Évangile ne peut jamais être annoncé physiquement. Le projet est que il faut que ça puisse toucher les pays, que ce soit la Chine, le Japon, dans tous les pays, rien que par cette chaîne YouTube, dans les nations sur YouTube, on nous appelle partout. Au Japon, en Chine, dans tous les pays du Moyen-Orient. On appelle. Nous voulons que tous les chrétiens se joignent à nous dans ce projet, pour s'aimer dans ce projet. Parce que il y a beaucoup d'argent qu'il faut investir encore. On a déjà investi des centaines de milliers d'euros, rien que pour ce projet. Commençant par les appareils de la télévision, une grande partie est déjà achetée. J'ai dit, une grande partie est déjà achetée. Les bâtiments que vous voyez, il faut encore beaucoup d'argent, des centaines de milliers d'euros. Les studios qui doivent être créés, des studios qui doivent être créés. C'est pourquoi la Bible qui est la parole de Dieu nous pose cette question. Ésaïe 58, verset 3, verset 6, verset 7, que nous allons lire tout de suite. Louer Dieu en parole et le louer en action sont indissociables. Le service des lèvres doit s'accompagner du service de la vie. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. Se préserver des souillures du monde, c'est l'évangélisation. C'est l'évangélisation. Mais tu peux nourrir les orphelins, nourrir les veuves, sans leur annoncer l'Évangile, ils iront en enfer. Ça sert à quoi? C'est comme ça que Satan a amené ce qu'on appelle la contrefaçon, les associations, pour aider les gens, nourrir les gens, mais sans l'Évangile. Il y a plein d'associations, plein d'ONG, qu'on ne parle même pas de Christ. Mais on nourrit les gens, on construit des maisons, on donne des habits, on donne la nourriture. Après avoir vécu sur cette terre, tu meurs, tu vas en enfer. Est-ce que c'est ça la vision de Dieu? Les croyants d'aujourd'hui doivent comprendre la volonté de Dieu. Dieu veut que tout le monde soit sauvé, que les Juifs soient sauvés, que les Palestiniens soient sauvés. Parce que nous sommes tous nés sous l'empire du diable. L'empire du diable, c'est le péché originel. Il faut donc un salut. Comment ils entendront s'il n'y a personne qui prêche? Alors tu peux prêcher dans les quatre murs. Personne ne pourra t'entendre en Israël. Personne ne pourra t'entendre également en Palestine. Personne ne pourra t'entendre là-bas en Chine. Personne. Mais avec Internet, dans ce bâtiment où on a installé la fibre optique. L'installation seulement de la fibre optique nous coûte des milliers d'euros. Seulement par mois, on doit payer par mois. On doit payer rien que la fibre optique 1200 euros par mois. La fibre optique seulement. Qui va transporter toutes les émissions sur les chaînes de télévision qui sont en train d'être créées. Nous lisons le verset qui a été donné, le livre qui a été donné, Ésaïe. Ésaïe 58, à partir du verset 6, il est écrit, voici le jeûne auquel je prends plaisir. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés. Renvoie libre les opprimés. Et que l'on rompe toute espèce de joug. Et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim. Mais à quel moment partager le pain arrive? Les premiers versets qui venaient d'être lus touchent l'évangélisation, mais c'est dans l'Ancien Testament. C'est pourquoi Dieu nous disait dès le départ que Dieu a parlé dans l'ancien temps par les prophètes, il nous parle maintenant par son Fils, parce que son Fils est venu accomplir ce que les prophètes ont commencé. Il n'y avait pas accomplissement, parce que le chemin du ciel n'était pas encore ouvert. Jésus-Christ est donc venu avec son sang, selon Hébreux, chapitre 9, pour ouvrir le chemin du ciel. Lorsqu'il a versé le sang, c'est cette annonce de l'évangile, cette parole, cette bonne nouvelle qui doit être prêchée, qui doit être annoncée à toute l'humanité. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Alors, comment ils croiront s'il n'y a personne qui prêche? Alors, si c'est prêché, il faut que ça soit transporté par les médias. Est-ce que je dois me présenter dans les chaînes de télévision officielles françaises? Qui va me l'autoriser? Au Cameroun, la CRTV a déjà autorisé quel pasteur de prêcher l'évangile? Moi, je payais Canal 2, qui est une chaîne commerciale, 3 800 000, presque 5 000 euros par mois. Non, c'est plus 7 000 euros par mois. Presque 7000 euros par mois, payés par mois pour annoncer l'évangile pendant une heure de temps seulement. Et ça ne touche que le Cameroun. Ça touchait quel pays encore? Pour une heure de temps seulement. Voici la grande salle qui sera le plus grand studio. Le plus grand studio. Où sont les pasteurs? J'ai dit, je veux que les pasteurs, maintenant, envoient leurs semences. Parce que tes émissions, tes prédications, tes enseignements seront diffusés dans ces chaînes, dans ces réseaux, gratuitement, en plusieurs langues. Même si tu prêches en français, il y aura des interprètes. Il y aura des cabines de doublage. C'est-à-dire, tu parles en français et ça sort en anglais comme si tu parlais en anglais. Ça sort en russe comme si tu parlais le russe. Ça sort en japonais comme si tu parlais le japonais. Ça sera fait ici, mais ça ne peut pas être fait si nous ne dépensons pas des millions d'euros. Est-ce que nous ne pouvons pas le faire? Si, mais le diable a amené des divisions. L'orgueil, en disant c'est l'affaire de Charles Sonda. En disant c'est l'affaire de telle église. Est-ce que Jésus connaît le nom des églises? Assemblée des vainqueurs, Jésus connaît ça? Assemblée des saints, Jésus connaît ça? Église évangélique, machin truc, Jésus connaît ça? Église de la victoire, église de ceci, Jésus connaît ça? Jésus connaît le corps de Christ, tous ceux qui sont nés de nouveau et qui mettent sa parole en pratique. La première façon de mettre la parole en pratique, c'est d'annoncer l'évangile. Alors, si je ne peux pas le faire pour toucher la Suisse, pour toucher la Belgique, pour toucher les États-Unis, je peux donc s'aimer dans un programme, dans un projet. qui a une telle vision comme celle-ci, je peux dire que moi j'envoie 100 euros chaque mois, ou bien maintenant, à partir de ce mois, il y a des travaux qui demandent extrêmement beaucoup d'argent. Pour finir, suivez ce que je suis en train d'expliquer. Ici, ça c'est la fibre optique. Et cette fibre optique qui doit toucher, qui doit transporter, c'est pas n'importe quelle fibre optique, hein. C'est pas la fibre optique du Cameroun que j'avais dépensé rien que pour l'installation pour plus de 7 millions de francs CFA. Rien que pour l'installation, je n'ai jamais eu cette fibre optique au Cameroun. Mais ici, c'est pas la même chose. En présentant, ce n'est plus un projet, mais c'est une réalité. Ça a démarré et l'argent est en train d'être dépensé. Envoyez maintenant parce que tout cela est important. Les Juifs qui sont en train de sacrifier les Palestiniens. Si ces Juifs étaient convertis, comment ils entendront s'il n'y a personne qui prêche? C'est le même Paul qui pose la question. Romains chapitre 10. Nous étions au verset 8, verset 9. Maintenant, le verset 9 et 10, 11, 12, 13, 14, nous lisons. Romains, chapitre 10. Romains 10, il est écrit. Oui. Le verset 9, il est écrit. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient. Selon que dit au salut. Selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui. Quiconque croit en lui. Ne sera point confus. Ne sera point confus. Oui, nous continuons. Il n'y a aucune différence. Il n'y a aucune différence. En effet, entre le juif et le grec. En effet, entre le juif et le grec. Puisqu'ils ont l'israélite et le palestinien. L'américain et le juif. Le camerounais et le juif. Il n'y a pas de différence. Oui. Puisqu'ils ont tous un même Seigneur. Puisqu'ils ont tous un même Seigneur. Qui est riche pour tout ce qu'il invoque. Qui est riche pour tout ce qu'il invoque. Est-ce que les juifs actuels ont invoqué le nom de Jésus? Non. Alors, Jérusalem. La ville de Jérusalem, mais c'est la malédiction. Vous qui partez sans toutefois lire les Écritures, si c'est à cause de la tombe de Jésus, est-ce qu'il est écrit que lorsque tu vas entrer dans la tombe de Jésus, tu vas même te coucher là où Jésus, le corps de Jésus était couché, tu seras sauvé? C'est pas ce qui est écrit. Il est riche pour tout ce qu'il invoque, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il n'est pas dit quiconque s'allongera sur la tombe de Jésus sera sauvé. Est-ce ce qui est écrit? Pasteur, autant d'argent que vous dépensez tous les jours pour aller à Jérusalem, les billets d'avion, les hôtels, si cet argent était investi dans l'évangélisation, sur les médias, vous voyez comment Dieu va vous juger à cause du manque de connaissances. Tu vas dire, oui, j'étais à Jérusalem. Dieu dit, est-ce que j'étais envoyé à Jérusalem? Tu allais faire quoi à Jérusalem? Ton corps est aujourd'hui le temple du Saint-Esprit. Le temple du Saint-Esprit. Il est riche pour tout ce qu'il invoque. Oui. Car. Comment croiront-ils? Comment croiront-ils? Comment donc invoqueront-ils? Comment donc invoqueront-ils? En qui ils n'ont pas cru. Celui en qui ils n'ont pas cru. Et comment croiront-ils? Comment croiront-ils? En celui dont ils n'ont pas entendu parler. En celui dont ils n'ont pas entendu parler. Et comment en entendront-ils parler? Alors, comment en entendront-ils parler? S'il n'y a personne qui prêche. S'il n'y a personne qui prêche. S'il n'y a personne qui annonce la bonne nouvelle. Prêcher, c'est pas enseigner. C'est prêcher, c'est annoncer la bonne nouvelle du salut. Les femmes doivent le faire. Les hommes doivent le faire. Alors, on peut donc prêcher sans un outil médiatique qui transporte la prédication. C'est pourquoi tout ceci est créé. En millions d'euros. Tous les enfants de Dieu qui vont s'aimer ici. Dès que tu sèmes ici, tout problème que tu peux avoir dans ta vie, car la Bible précise, Ésaïe 58. On a lu ça tout à l'heure. Que me sert de jeûner si tu ne le vois pas? Le Seigneur leur a répondu, voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison des malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Il a commencé par l'évangélisation. Maintenant les œuvres. Jacques chapitre 2, à partir du verset 14, vont suivre. Donc, lorsqu'il parle de la religion pure, sans la religion pure, et la religion pure et sans tâche devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins, les veuves, dans leur affliction et à se préserver des sueurs du monde. Le seul sacrifice acceptable que nous puissions offrir à Dieu, c'est de pratiquer le bien les uns envers les autres, de partager, de répandre l'évangile, de financer l'évangélisation par le canal des médias. Aujourd'hui, cette porte est fermée parce que les chrétiens sont aveuglés. Si notre évangile est voilé, ça c'est le vrai évangile qui est voilé aujourd'hui. On dépense, un chrétien achète un costume, les pasteurs des costumes de 1500 euros, 3000 euros. Des voitures de luxe, c'est pas mauvais. Mais lorsque Dieu m'a repris, il me dit, tu amèneras des voitures au ciel. Tu vas monter au ciel en voiture. Tu vas monter au ciel en BMW, en Porsche. Parce que ton royaume, c'est au ciel. Toi, madame, tu vas détacher ton appartement que tu es en train d'acheter pour aller vivre avec ça dans le royaume des cieux. Les habits que tu portes au jour de l'enlèvement, ces habits vont rester. Ce n'est pas avec ce corps où tu mets les fonds de teint, les rouges à lèvres. La Bible dit, le sang et la chair que nous portons aujourd'hui ne peuvent jamais hériter le royaume des cieux. Mais qu'est-ce qui peut nous amener au ciel? C'est le fait d'accepter Jésus, persévérer et faire des œuvres, financer l'évangélisation. Lorsque tu vas amener les autres, nous sommes tellement égoïstes aujourd'hui, on ne pense même pas aux autres qui doivent aller au ciel, aller faire tout et tout, de gros sacrifices pour que ces gens, nous gardons l'argent dans les banques. Dieu voit tout ce que tu as gardé dans les banques. Il voit. Tout ce que tu gardes, les chrétiens, vivent comme des païens de nos jours. Plus que les païens. Ils sont plus égoïstes que le païen. Le païen même donne facilement que le chrétien. Et c'est pourquoi ils aiment les messages d'égoïsme. Ne donnez plus, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. C'est un mensonge. Mais je m'en vais. Lorsque Dieu dit, c'est à de tels sacrifices que Dieu, de quel sacrifice il s'agit? L'apôtre Paul n'a-t-il pas parlé aussi de sacrifice? Philippiens chapitre 4. Philippiens chapitre 4. À partir du verset 15. Il dit, vous m'envoyez déjà à Thessalonique. De quoi pourvoir à mes besoins? Ce n'est pas que je recherche les dons. En leur disant, moi je ne recherche pas les dons. Je cherche le fruit qui abonde dans ton compte au ciel. Parce que nous avons des comptes au ciel. Nous lisons Philippiens par la bouche de maman à partir du verset, chapitre 4 à partir du verset 15, verset 16. Nous lisons rapidement. Il est écrit. Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'évangile, lorsque je partis de la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Vous fûtes les seuls à le faire. Vous fûtes les seuls à le faire. Car vous m'envoyez déjà à Thessalonique. Vous m'envoyez déjà à Thessalonique. Et à deux reprises. Moi, je ne dis pas de m'envoyer de l'argent, s'il vous plaît. De quoi pouvoir à mes besoins. Parce que vous allez m'insulter dans les commentaires au bas de la vidéo fatiguée. Paul s'adresse à ses enfants. Vous m'envoyez déjà à Thessalonique. De nos jours même, un enfant, même dans l'église, on envoie l'argent, tu vas entendre que tout l'argent va en France. Tout l'argent va en France. Vous m'envoyez déjà à Thessalonique à deux reprises. De quoi pourvoir à mes besoins. Ce n'était même pas pour l'œuvre de Dieu, ce n'était pas pour les télévisions, ce n'était pas pour les bâtiments pour construire les églises. Il parle de ses propres besoins. Ce n'est pas que je recherche les dons. Ce n'est pas que je recherche les dons. Mais je recherche le fruit qui abonde. Mais je recherche le fruit qui abonde. Pour votre compte. Pour votre compte. J'ai tout reçu. J'ai tout reçu. Je suis dans l'abondance. Et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de biens. J'ai été comblé de biens. En recevant par Épaphrodite. En recevant par Épaphrodite. Ce qui vient de vous comme un parfum. Ce qui vient des chrétiens, qu'il a annoncé l'évangile, qu'il a enseigné, comme un parfum de bonne odeur. Un sacrifice que Dieu accepte. Un sacrifice que Dieu accepte. Est-ce que c'était un sacrifice d'animaux? Et qui lui est agréable. Un sacrifice que Dieu accepte et qui est agréable à qui? À Dieu, pas à Paul. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Selon sa richesse. Selon sa richesse. Avec gloire. Avec gloire. En Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Il dit, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Hey! Et je dis, tous ceux qui vont verser leurs 100 euros, 200 euros, 300 euros, ou bien 100 000 francs CFA, 50 000 francs CFA, tu es en Afrique, ça c'est le CFA, je ne sais pas d'où tu trouves, dollars, je ne sais pas, parce que je parle souvent seulement des euros, comme si je m'adressais seulement aux européens, même toute l'Europe n'utilise pas l'euro. Partout où tu te trouves, tu prends l'engagement, tu dis, j'envoie 1 000 $, j'envoie 500 $, j'envoie 2 000 $, j'envoie 10 000 $, j'envoie. N'importe quelle monnaie du monde. Relis ce verset que tu viens de lire, maman. Ils n'ont pas bien compris. Philippiens 4, verset 19. Oui. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Selon sa richesse. Selon sa richesse. Avec gloire. Avec gloire. En Jésus-Christ. L'apôtre Paul dit, je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout. J'ai appris à être rassasié et avoir faim. À être dans l'abondance et à être dans la disette. Paul explique ce à quoi il vient de faire allusion dans ce verset. Le fait de répéter qu'il sait, je sais, révèle que Paul a appris par expérience avec la maturité spirituelle à vivre au-dessus des circonstances. Un enfant de Dieu doit vivre au-dessus des circonstances. Tu ne dois pas seulement être dans la joie quand tu as beaucoup d'argent, quand tout va très bien. Non, pas du tout. Tu n'es pas enfant, tu n'es même pas né de nouveau. Le fait que Paul dise, je sais vivre dans l'humiliation, avoir faim et être dans la disette, il dit qu'il a connu sa part de pauvreté, il sait que c'est que ce que c'est que se débrouiller avec très peu de biens matériels. Il le sait. Mais aujourd'hui, la convoitise anime notre esprit. C'est pourquoi nous parcourons, nous avons les yeux fixés sur les choses du monde. On fait tout et tout pour emmagasiner beaucoup d'argent, beaucoup de comptes bancaires. On ne veut pas. C'est-à-dire s'aimer. Lorsque tu vas commencer à penser uniquement à l'œuvre de Dieu, Dieu va commencer à penser à tes problèmes. Je te le dis aujourd'hui, c'est un secret. Le jour que tu prends l'engagement de financer seulement l'œuvre de Dieu, Dieu va commencer à financer tes problèmes, à financer aussi tes entreprises. À financer tes entreprises. La plupart des entreprises que vous voyez, c'est les gens qui ont signé des pactes avec Satan. Vous ne savez pas combien de tonnes d'argent ils donnent à Satan. Et Satan finit par les ruiner. Et Dieu dit, si toi tu sèmes, tu dois récolter. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Besoin de santé physique, il va pourvoir. Besoin de guérison, il va pourvoir. Besoin de voyage, il va pourvoir. Besoin de prospérité dans tes entreprises, il va pourvoir. Besoin de réussite aux examens, il va pourvoir. Besoin de se marier, il va pourvoir. Tu n'as pas besoin de demander à gauche, à droite des prières. Tu montes, tu descends, qu'on prophétise sur moi. Il va pouvoir. C'est pourquoi il achève. Quand il donnait la prophétie, Isaïe 58. Déjà, je crois vers le verset 6, qu'est-ce qu'il dit? Nous allons relire. Parce qu'il achève. Dieu, il parle, il achève en disant ta lumière. Lorsque tu vas mettre cela en pratique, lorsque tu donneras le pain à celui qui a faim, conséquence, résultat, Nous allons lire Ésaïe 58. Le résultat, c'est quoi? Lorsque tu vas donner ta propre subsistance à celui qui a faim. Verset 8, il est écrit. Verset 8. Alors ta lumière poindra comme l'aurore. Alors ta lumière poindra comme l'aurore. Et ta guérison germera promptement. Et ta guérison germera promptement, rapidement. Aujourd'hui, on prie sur toi, on prie. Ton état continue même à s'empirer. Mais tu as l'argent dans les poches. Tu entres même dans une église, tu ressors, tu ne donnes rien. Une œuvre comme celle-ci, si tu sèmes ici, je te dis assurément, le Dieu que je prie depuis 26 ans ne m'a jamais déçu. J'ai vu ce Dieu-là bénir les gens. J'ai rencontré un Ghanéen à Libreville au Gabon. Ce Ghanéen-là vivait dans une misère extrême. Il était boy dans la maison d'un Gabonais. Boy, j'ai dit bien boy dans la maison d'un Gabonais. Et ce monsieur, lui, il est venu m'écouter. Je prêchais en Djengayon, un quartier de Libreville. Dans l'église de ce pasteur qu'on appelle Messie, il s'appelle Messie, quelque chose comme ça. Il m'avait invité. J'ai prêché dans cette église pendant une semaine. Ce gagné est venu m'écouter parce qu'on a annoncé sur les médias. Il n'était même pas membre de cette église. Parce que tu penses dans ta tête que c'est lorsque je vais donner un membre seulement à mon église. Non, nous sommes dans le corps de Christ. Et dans le corps de Christ, et que toi tu sèmes pour une telle œuvre. Ce n'était même pas qu'il y avait. Il est venu, il a entendu l'explication sur le sacrifice. Et le monsieur, le lendemain, il est allé dans son compte, il a travaillé pendant plusieurs années comme boy. Boy veut dire domestique. Chez un Gabonais qui le frappait, qui le traitait. Il me disait que ce Gabonais avait l'âge de son fils qu'il avait laissé au Ghana. Alors le monsieur pleurait tous les jours. Il a réussi à économiser plus de 400 000 francs CFA, ce qui représente environ peut-être 800 euros. Et il ira dans son compte. Il va prendre, puisque on vous dit souvent, c'est de l'escroquerie. Les pasteurs, c'est de l'escroquerie. Mais tous les versets que je suis en train de lire là, ça me dit que le Saint-Esprit était un escroc. Dieu était un escroc. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Lui, il va prendre ça, il viendra. Il va déposer. Pendant que les gens déposaient les sacrifices, c'est des sacrifices, ce ne sont pas des offrandes. On appelle ça sacrifice. C'est ce que l'apôtre Paul vient de dire. Un sacrifice que Dieu accepte qui lui est agréable. Il a déposé ses sacrifices, dit, je donne ce sacrifice au Seigneur. Il m'a expliqué son problème. J'ai prié pour lui. Dans la même semaine, j'étais toujours à Libreville, corps, âme, esprit, dans la même église. Le Ghanéen arrive un lundi, dans l'après-midi. Il commence à crier, à louer l'Éternel au bureau du pasteur. Il dit, papa, voici ce que j'ai vécu et ce qui est arrivé cette semaine après avoir déposé mon sacrifice. J'étais en train de nettoyer le sol dans la maison de mon patron. Et son ami qui est un blanc, que je ne connaissais pas, est arrivé samedi matin, chercher mon patron à la maison. Il a absenté. Il m'a demandé. J'ai dit que le patron est sorti. Il a suivi, il a entendu mon accent qui n'était pas l'accent des francophones. Il me dit, tu es de quelle nationalité? J'ai dit, je suis Ghanéen. Il dit, au Ghanéen, on parle l'anglais. J'ai dit, oui. Mais toi, tu ne maîtrises pas l'anglais? Il dit, si, je maîtrise très bien l'anglais. Je suis même, j'ai pour métier traducteur, interprète. Le blanc a crié. Il dit, je suis le directeur technique à Elf Serek à Gabon, une société pétrolière européenne française, basée à Libreville au Gabon. Il dit, au Ghanéen, suis-moi lundi matin, je parlerai avec ton patron, puisque c'est mon ami. On a besoin des interprètes, des traducteurs. Suis-moi rapidement parce que le Gabon, c'est un pays francophone. Lundi matin, le Ghanéen s'est présenté. Il fut embauché. À l'immédiat, le blanc va le prendre, il le confie au directeur des ressources humaines. Il faut m'embaucher ce monsieur. Il a présenté tous ses papiers et il fut embauché. Vous savez, au Gabon, seulement son premier salaire de ce mois-là, il a traversé de base plus de 800 000 francs CFA et avec tous les avantages, il s'est retrouvé à plus d'un million 500 000. À plus d'un million 500 000 par mois. Il a fait le sacrifice de combien? 400 000 qu'il avait économisé depuis combien d'années? Mais par mois, Dieu lui donne au centuple. Voilà quelque chose, un témoignage que j'ai vécu. Il y en a mille et un témoignages. Que ce soit partout où je suis passé. Ce que j'ai vu Dieu faire, que ce soit même dans ma propre vie. Tout ce que je suis en train de dépenser là, ici, vous voyez, tous ces appareils sont achetés, d'autres sont pris, on paye par mois. Beaucoup d'argent. Rien que la salle, mensuellement, 8500 euros par mois. Tous les lieux, les bureaux, ce que vous êtes en train de regarder. Nous devons payer environ, mensuellement, avec les appareils, avec les télévisions, nous devons dépenser par mois plus de 20 000 euros. Il y a des salaires qui vont s'ajouter. Plus de 20 000 euros que nous allons dépenser par mois. 10 000 euros, ça fait déjà 6 500 000. 20 000 euros, ça fait déjà combien? 13 millions de francs CFA. De nos jours, beaucoup de personnes pensent que l'œuvre de Dieu est gratuite. La parole Dieu a donnée, même cette parole n'en est pas gratuite. La Bible précise que Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils. Pour m'avoir, il a donné. Et toi, on a besoin des chrétiens et des chrétiennes nés de nouveau, riches. Mais pour avoir cette richesse, il faut s'aimer. C'est lui qui sait un peu, dit la Bible, moissonne peu. 2 Corinthiens chapitre 9, verset 6. Moissonne peu. C'est lui qui sème abondamment, moissonne aussi abondamment. Voilà ce que j'avais à te dire. Donc, il faudrait que les Hébreux là acceptent Jésus. Les Hébreux acceptent Jésus. Ce qui se passe, ils sont en train de tuer les Palestiniens. Ce sont des sacrifices. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Je vous le dis, ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu veut que tout le monde soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. 1 Timothée chapitre 2. La Bible dit de prier pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille. Une vie paisible, la paix et tranquille. 1 Timothée chapitre 2. À partir du premier verset jusqu'au verset 5. Si vous lisez ça, vous allez comprendre pourquoi. Je lance ce vibrant appel. Parce qu'avec ces médias, mais étant sur place ici en Europe, nous allons toucher, envoyer ces messages partout dans le monde. Jusque chez les Hébreux, chez les Palestiniens, partout dans le monde. Et la paix, selon 1 Timothée, le chapitre 2, va commencer à régner. Il n'y aura pas de paix si les guerres, la paix veut dire recevoir Jésus. Sans Jésus, il n'y aura pas de paix. Lui-même a dit, quand les hommes diront paix et sûreté sur la terre, alors une ruine fondra sur eux. La paix des hommes, ce n'est pas la paix de Christ. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. Voilà. Il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur Dieu veut qu'il y ait la paix. Ce qui se passe chez les Hébreux aujourd'hui, en Israël aujourd'hui, vient de Satan. Tuer, Dieu n'est pas d'accord. Dans la nouvelle alliance, Dieu a dit dans l'ancienne alliance de tuer. Mais maintenant, il dit d'annoncer l'évangile. Mais celui qui n'écoutera pas, ira en enfer. Il n'a plus demandé de tuer qui que ce soit. Nous ne devons pas tuer qui que ce soit. Si nous adorons le vrai Dieu, nous ne devons pas tuer qui que ce soit. Il faut qu'un tel évangile soit annoncé. Et les hommes et les femmes seront sauvés par la puissance du Saint-Esprit. Et pour que cet évangile soit annoncé, tu peux donc faire par Western Union ton sacrifice. Par Western Union, voilà ce qui est affiché. Tu peux faire ton sacrifice. Tu peux aussi passer par le compte bancaire. Ça va apparaître là tout à l'heure. Par Western Union, vous lisez. Après ça, vous appelez. Mais par la banque, vous faites aussi un transfert. Vous avez tout là-dedans. Vous prenez l'engagement. Vous pouvez dire, j'envoie maintenant 500 euros parce qu'il faut sauver ce projet. Il faut sauver ce projet. Si on ne fait rien, rien ne va se manifester. On va nous arracher. Arracher ce projet. C'est-à-dire, si nous ne payons pas les loyers, ça fait depuis le mois de novembre que nous payons le loyer et nous dépensons aussi pour les travaux. Rien que pour les travaux, on a déjà traversé plus de 5 000 euros. Rien que pour les travaux. Pour avoir les lieux, c'est grave encore. Pour acheter le matériel, télévision, tout le matériel radio, c'est grave encore. Donc, nous demandons à tous de s'aimer. De s'aimer et de s'aimer encore. Et vous allez voir le Seigneur à l'œuvre d'une manière particulière. Vous s'aimez, vous appelez, on va prier pour vous, pour ce projet. Il y a toute une équipe de prières pour vos entreprises, pour vos projets, n'importe quel projet, comme la Bible le disait tout à l'heure. Dans le livre de Philippiens, il disait tout à l'heure que, et Dieu peut vous combler de toutes sortes de biens, 2 Corinthiens chapitre 9, verset 8, verset 9, afin que possédant toujours de quoi pourvoir à tous vos besoins, que vous ayez aussi en grande quantité pour toute bonne œuvre. Dieu va encore vous enrichir parce qu'il sait que vous avez l'habitude de donner. Il va encore vous donner pour vos besoins et pour les besoins de son œuvre. Mais lorsque vous ne donnez pas pour les besoins de son œuvre, il ne va pas vous donner même pour vos besoins. Il ne vous donnera absolument rien. C'est pourquoi chacun doit prendre la décision maintenant de passer à l'acte pour pouvoir. Ça, c'est au niveau du Cameroun. Télévision, radio, au niveau du Cameroun. Et voici au niveau du compte bancaire, le compte bancaire, crédit mutuel, vous pouvez faire votre transfert. Vous pouvez faire votre transfert par Western Union, vous arrêtez l'image et vous faites votre transfert. Vous voyez sur le papier de cette fille, Villa Internationale des Médias. Ce n'est pas un projet qui a commencé ici, c'est un projet qui a commencé depuis le Cameroun, dont les autorités sont même descendus voir, si c'est le prophète qui descend voir, et c'est un projet magnifique. Si vous s'aimez sur ce projet, vous allez voir le Dieu que je sers à l'œuvre dans tous vos projets, dans tout ce que vous faites. Ici, nous sommes au Cameroun, et vous pouvez suivre les explications en direct. satisfaction et encouragement au bout des lèvres du chef de terre. Nous avons été assez émerveillés par la qualité des équipements en ce qui concerne l'unité radio, de télévision. Et nous avons été émerveillés d'autant plus qu'on a trouvé tous les équipements qui nous paraissent de dernière technologie, puisque ça fonctionne aussi avec la satellite, en capacité d'émission pouvant couvrir plusieurs pays francophones d'Afrique, même au-delà. Je crois que dans un village, un environnement comme celui-ci, c'est une initiative à saluer. Nous avons aussi vu les chantiers en construction. Et je dois dire que, de toute évidence, le programme qui est déployé en termes d'investissement ici va à coup sûr générer des effets bénéfiques pour les populations locales en termes d'emploi, en termes, je crois, du développement tout court de notre département. Déjà, les principaux bénéficiaires commencent à percevoir à ce stade du projet ces retombées. Et voilà, que Dieu vous bénisse. Et à long terme. Il faudrait donc pour l'international camerounais, les potentialités touristiques du site à elles seules constituent un facteur de développement et une plus-value pour l'économie camerounaise autour du projet Village International des Médias. Pour moi, c'est un site merveilleux. Vous avez l'union qui est à côté, et je pense que dès que ce bâtiment aura vu le jour, et d'autres aussi, grâce au Seigneur, évidemment, je crois que ça va être un lieu, vraiment un lieu de pèlerinage, ça va être un lieu où les gens viendront pour passer la journée, visiter, aller faire un tour au nom. Je pense que c'est ça qu'il nous faut pour le Cameroun. Nous sommes un grand pays, nous sommes un pays très très beau. Nous avons tout ce qu'il nous faut, et c'est à nous d'essayer de gérer tout cela avec un peu de tact. Et voilà. Ce projet donc qui a été réalisé. Voilà le rêve. Il a besoin de financement, de la diaspora et de partenaires au développement aussi. Que Dieu vous bénisse par la puissance du Saint-Esprit de Dieu et tous ceux qui vont s'aimer dans ce projet. La partie européenne que vous aviez regardée tout à l'heure, ça sera très grave. Vous allez voir, mettez de la sorte Dieu à l'épreuve. Vous allez voir déclencher une avalanche de bénédictions. Partagez cette vidéo. Il faut s'abonner sur notre chaîne. Je demande à tous les pasteurs, à tous les hommes de Dieu du monde entier, de recommander aussi le projet. Vous allez envoyer vos émissions gratuitement, comme je le disais. Beaucoup d'émissions des hommes de Dieu dans le monde entier seront diffusées sur ces médias. Je précise bien gratuitement, mais la raison est simple. Il faudrait au préalable financer. Parce qu'il faut beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Pour l'Europe, pour pouvoir démarrer, pour pouvoir terminer ce qui a déjà démarré. Et nous sommes déjà très loin. Vous avez vu des images. Que la puissance du Saint-Esprit soit sur vous. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen.